Pour moi, tout roule. Alors direction les champs pour la semaine de l'homme. J'ai besoin de me relooker et de me faire plaisir. Après tout, moi aussi je me sens fashion. Du 20 au 27 avril, pour 75 euros achetés dans l'une des boutiques du centre commercial Les Champs, 10 euros offerts valables sur les collections hommes. Centre commercial Les Champs, 31 boutiques au cœur de Saint-Brieuc. Auchan, on me comprend.